إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va commencer sans plus attendre sur la continuité, inshallah, de notre assise d'hier, de notre cours concernant l'évocation de la vie du premier messager envoyé aux hommes, qui est Nuh alayhi salam, comme on l'a évoqué dans la dernière assise. Donc on va sans plus attendre continuer, inshallah, sur la mention de cette histoire qui nous est mentionnée, évoquée dans le Coran. Et donc on avait dit, avant de commencer dans l'explication de l'histoire du prophète Nuh alayhi salam, de ce messager, on avait fait un bref aperçu très concis sur Adam. Lorsque Adam fut mis sur terre, et Allah Jalla wa Ala a mis Adam sur terre. Et donc on avait dit qu'avant cela, avant le passage d'Adam sur terre, Adam était au paradis avec son épouse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala avait mis Adam et son épouse au paradis, et il leur avait interdit de manger de l'arbre. Et ensuite, on a dit, d'une manière très brève, hein, on a dit que Shaitan est venu à eux et les a tentés, les a séduits pour les faire tomber dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et les faire manger de cet arbre. Et parmi les arguments qu'il leur a donnés pour les pousser, les séduire et les convaincre de manger de cet arbre, alors il leur a dit que Allah jalla wa ala les avait empêchés de manger de cet arbre pour pas qu'ils deviennent des anges, pour qu'ils ne deviennent point des anges, et aussi pour ne point qu'ils soient, pour pas qu'ils soient et qu'ils deviennent éternels, et qu'ils deviennent éternels. Donc pour les empêcher d'être des anges et qu'ils deviennent éternels. Donc ensuite, donc il les a séduits et tentés, et ils ont mangé de cet arbre. De ce fait, ensuite ils furent sortis du paradis et Allah Jalla wa Ala les a tous mis sur terre, c'est-à-dire Adam et son épouse et Ash-Shaytan et Ash-Shaytan. Et donc on a dit que le passage sur terre de Adam était un passage temporaire. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé le pardon et a pardonné à Adam cette désobéissance, puisqu'ensuite tous deux, Adam et son épouse, demandèrent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont repentis de cette faute et de cette désobéissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran qu'il a pardonné à Adam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné cela. C'est pour cela qu'ensuite ils retournent au paradis. Et de ce fait, cette vie d'ici-bas est aussi juste un passage pour les descendants et pour la progéniture de Adam. Puisque comme on l'a dit dans l'assise précédente, donc tout le monde a la connaissance de cela, que Adam est le père de l'humanité. Comme on dit, « wa Adam alayhi salam wa Abul Bashar ». Donc c'est le père de l'humanité. Et donc comme pour lui cette demeure d'ici-bas était temporaire, et c'était juste un passage, et ensuite ce retour se fait au paradis, de même pour sa progéniture et sa descendance, leur passage sur terre n'est que temporaire. Donc c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous exhortait, et un jour il a exhorté à l'un de ses compagnons en lui disant, « Kun fi dunya ka annaka gharib, sois dans cette vie d'ici-bas comme un simple étranger, ou abiru sabil, ou bien un simple passant. » Pourquoi? Parce que l'être humain dans cette vie d'ici-bas, il n'est que de passage. Et son installation ici-bas, sa vie ici-bas, ne sera que temporaire. Donc Adam, c'est pour cela qu'hier qu'on avait mentionné quelques faits de cette histoire de Adam pour bien qu'on puisse comprendre ensuite la suite. Donc Adam, comme on l'a dit précédemment, huwa Abul Bachar, le père de l'humanité, wa huwa awwalul anbiya, et c'est le premier des prophètes. Khilafan liman yaz'umuhu al-falasifa, lima yaz'umuhu al-falasifa min anna al-bashariyya kanat 'ala ash-shirk fi ibtida'i amriha. فعبدت الشمس والقمر والشجر والبقر باجتهادها. ويدل على بطلان هذا القول كذلك قول ابن عباس رضي الله عنه وهو في حكم الرفع كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على الإسلام. Et lorsque on dit que Adam est le père de l'humanité, et donc c'est le premier des prophètes. Et ça, contrairement à ce qu'évoquent et ce que prétendent certains philosophes. Certains philosophes prétendent que l'humanité, ou l'origine de l'humanité, à la base, l'humanité était sur de fausses croyances et était sur le polythéisme et s'adonnait au polythéisme dès le départ. Alors qu'on avait expliqué dans la dernière assise que Adam, lorsqu'il était sur terre, alors il était le premier des prophètes et il enseignait aux gens le bien, l'obéissance à Allah et comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit que pendant des siècles et des générations, les gens étaient sur une même et seule croyance et religion. Ils formaient une seule nation et une seule communauté. Comme Allah nous dit dans le Coran, ce qu'il prouve cela, c'est que dans un verset, Allah nous dit « Kana an-nasu ummatan wahidatan fabaratha Allahu an-nabiyyina mubashirina wa mundhirin. » Allah nous dit « Kana an-nasu ummatan wahida. » Les gens ne formaient qu'une seule nation, une seule communauté. « Fabaratha Allahu an-nabiyyina. » Et ensuite, Allah Jalla wa Ala leur a envoyé des prophètes. Mubashirina wa mundhirin. Et Allah nous dit que ces prophètes étaient des annonciateurs d'une bonne nouvelle et avertisseurs d'un châtiment prochain. Donc Allah nous dit dans ce verset qui est clair que kana an-nasu ummatan wahida, que les gens formaient une seule nation, une seule communauté. Donc pendant des siècles après Adam, les gens étaient sur une même croyance, sur la même religion. Ils formaient une seule nation, comme on l'a dit précédemment. Et donc, l'origine et la base, c'est qu'ils étaient sur l'adoration de leur créateur. Contrairement à ce qui a été évoqué par certains philosophes, cette prétention, le fait de prétendre que à la base, l'humanité, dès le départ, était ou a sombré dans le polythéisme, était dans le shirk, dès le départ. Et cela, en prétendant qu'ils adoraient dès le départ, par exemple, le soleil, ils s'adonnaient à l'adoration du soleil, que les gens s'adonnaient dès le départ à l'adoration de la lune, par exemple, ou à l'adoration d'arbres, ou l'adoration de la vache, par leur propre effort personnel. C'est-à-dire, après leur effort personnel, eh ben, ils ont abouti à cela. C'est-à-dire, en d'autres termes, que les êtres humains aurait abouti à cela, à l'adoration d'idoles et de fausses divinités, dès le départ et dès le début de l'humanité, en adorant par exemple le soleil ou des astres ou autres par leur propre réflexion. C'est-à-dire que leur propre réflexion les aurait menés à cela. Donc ça, c'est une prétention, c'est ce qu'ont prétendu certains philosophes, et cet argument-là, cette réflexion-là plutôt, n'est prouvé par aucune preuve. Rien ne prouve cela. Bien au contraire, des textes authentiques nous prouvent que les hommes, dès le départ, les premiers hommes de l'humanité, à l'époque de Adam, et cela pendant des siècles, adoraient Allah subhanahu wa ta'ala, leur créateur, seul et unique, en lui vouant un culte pur, exclusif, et ils étaient sur l'obéissance de leur Seigneur, sur une même religion. Et les hommes, les premiers hommes, ne formaient qu'une seule communauté, qu'une seule nation, comme on l'a bien explicité dans l'assise précédente et comme on fait le rappel puisque c'est important. Donc c'est pour ça qu'on a bien précisé et rappelé ce temps qui s'est écoulé entre Nouh, le messager Nouh, et Adam. Et Adam. En disant donc qu'il y avait 10 générations. 10 générations. Et c'est pour ça que les savants nous disent que pendant ces 10 générations, kulluha al-tawhid, les gens étaient sur un monothéisme pur. Et cela est prouvé d'une manière authentique par un récit, un rapport qui remonte jusqu'à Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas. Donc la preuve à cela, c'est un rapport, un récit qui nous remonte jusqu'à Abdallah ibn Abbas, qui était célèbre compagnon du prophète, ensemble, qui avait justement un lien de parenté puisqu'il était le cousin du prophète, ensemble, il était le fils de l'oncle du messager d'Allah, ensemble, Al-Abbas. Al-Abbas, qu'Allah les agrée tous deux, puisque l'oncle du prophète Al-Abbas s'était converti à l'islam, ainsi que son fils Ibn Abbas. Et le prophète sallam avait invoqué justement pour son cousin qu'Allah lui accorde la compréhension, l'interprétation du livre, du Coran. Et de ce fait, Abdallah Ibn Abbas, ce compagnon, devint l'un des plus grands et illustres savants en matière dans le domaine de l'exégèse, de l'interprétation du Coran, de l'interprétation du Coran. Et alors que lui était jeune déjà par rapport aux autres compagnons, malgré cela, malgré son jeune âge, eh ben de grands et anciens compagnons se référaient à Abdallah ibn Abbas souvent pour comprendre certains versets, comme c'est rapporté par exemple du deuxième calife, Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, qui se référait à Abdallah ibn Abbas. Donc Abdallah ibn Abbas est une référence dans le domaine. C'est une référence incontestable. Et donc il nous est rapporté justement ce récit remontant jusqu'en Abdallah ibn Abbas qui disait que Kana bayna Adam wa Nuh 10 qurun, kulluhum 'ala l'islam. Et lui disait que entre Adam et Noé, donc il y avait 10 siècles, tous ces gens-là, tous étaient sur l'islam, tous étaient sur l'islam. Et ce récit est rapporté par Al-Hakim an Ibn Abbas mawqufan. Et il est authentifié selon les conditions de l'imam Al-Bukhari et il a été appuyé par l'imam Al-Dhahabi. Il a été confirmé par l'imam Al-Dhahabi. Et c'est pour cela que même certains savants disent que ça prend le statut, ce récit-là prend le statut d'un récit qui remonte jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque certains spécialistes en la matière ont dit que Abdallah ibn Abbas n'aurait pas pu avancer cela de lui-même, dire cela de lui-même, mais s'il a dit cela, et comme cela fait partie des choses de la science, de l'invisible, de l'inconnu, c'est que il l'a pris forcément du messager d'Allah, du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc toutes ces générations avant nous, donc on réitère bien cela, puisqu'ensuite maintenant on va expliquer l'arrivée du messager Nuh alayhi as-salam. Et donc si on a bien compris ce point, donc ça va nous permettre de comprendre maintenant la suite des événements. Donc des siècles se sont écoulés et comme on a dit précédemment, donc des siècles et en arabe qurun, ça peut être dans le sens de, comme on l'a dit, 100 ans ou bien dans le sens de génération. Et beaucoup de savants spécialistes dans le domaine considèrent que le sens approprié ici, c'est génération. Alors les gens étaient sur une seule et même religion et donc les gens étaient dévoués dans leur culte qu'ils vouaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, avec l'écoulement du temps, avec le passage du temps, des hommes se sont distingués à l'époque. Donc des hommes se sont distingués par rapport à leur piété, à leur honnêteté, leur dévotion et leur culte et leur religion qu'ils vouaient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces hommes se sont distingués et parmi eux, il y avait cinq hommes. Cinq hommes, l'un s'appelait Wad, un autre s'appelait Suwar, un autre s'appelait Ya'uq, un autre s'appelait Yarouth et un autre s'appelait Nasr. Donc soit cinq personnes, cinq hommes à l'époque qui étaient des exemples de dévotion, des exemples de bon comportement, des exemples de gens qui étaient fervents dans leur adoration envers leur Seigneur et reconnaissant envers leur Seigneur. Donc c'était des sortes de modèles pour les gens. Et en résumé, c'était des exemples de piété et c'était des hommes qui étaient vertueux comme il est rapporté. Et c'est l'avis de nombreux spécialistes, c'est jugé l'avis le plus juste et de nombreux spécialistes que Wad, Wasuwa, Wayaruq, Wayaruth, Wanasr, c'était des hommes vertueux. Donc ces hommes, en leur temps, en cette époque, donc, se sont distingués par rapport à leur piété, par rapport à leur piété. Plus tard, lorsqu'ils retournèrent vers leur créateur, c'est-à-dire après leur mort, alors Ash-Shaytan, le diable, a insufflé aux gens pourquoi ne pas édifier des statues à leur effigie. Et la raison, il leur a insufflé une raison, le fait que cela les aiderait à adorer Allah en se rappelant d'eux. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, lorsqu'on veut se rappeler le bien, et ces cinq hommes étaient des exemples de bien et de piété. Alors, Shaitan leur a insufflé que lorsque vous voulez vous rappeler le bien et la piété, alors, rappelez-vous de ces cinq hommes et de ces hommes. Et de cela, pour faciliter la tâche, pour se rappeler ces hommes-là, et donc ces hommes-là, comme on a dit précédemment, c'était des modèles et des exemples de piété, donc pour se faire le rappel, se rappeler de ces hommes. Et Shaitan leur a donc suggéré d'édifier tout simplement à leur effigie des statues. Et ces statuts-là leur permettraient eh ben, de se rappeler Allah, subhanahu wa ta'ala, de se rappeler la piété et de se rappeler la bonté en quelque sorte. Donc, dans un premier temps, ce n'était pas de les adorer. Dans un premier temps, ce n'était pas de vouer un culte à ces statuts. Mais dans un premier temps, c'était seulement pour se rappeler le bien, puisque ces hommes, c'était des exemples de bien et de piété. Donc c'était juste à titre de rappel, à titre de remémoration, pour se remémorer. Et donc, Shaitan leur a insufflé cela. Et donc, ensuite, ils ont commencé à édifier ces statues. Ces statues représentant, donc c'était des représentations de ces cinq hommes, comme on a dit précédemment. Donc il y en a un qui s'appelait Wad, un autre Suwar, et le cinquième, Nasr. Et ces cinq, justement, sont mentionnés dans un verset. Sont mentionnés dans un verset, comme on le verra dans ce qui va suivre. Mais ensuite, ces gens-là, cette génération-là, qui a édifié ces statues-là pour se rappeler le bien, en représentation de ces cinq hommes, qui s'étaient distingués pour leur piété, comme on l'a dit précédemment, ensuite, cette génération, eh ben, s'en alla et laisse sa place à une autre génération, c'est-à-dire qu'ils retournèrent vers leur Seigneur après leur délai, leur décès. Donc une autre génération vint après eux. Et de là, Shaitan insuffla et suggéra à cette nouvelle génération que si ces statues, elles étaient présentes, si ces statues étaient là, ce n'était pas en vain. Et donc ensuite, il leur a insufflé, suggéré de les adorer directement. Et donc, avec l'écoulement du temps, hein, lorsque le temps passa, les gens devinrent ignorants. Et donc, eux, ils ne connaissaient pas réellement la première raison pour laquelle avaient été édifier ses représentations, ses statues. Et lui, Shaitan, leur a insufflé que ces statues avaient été édifiées justement pour être adorées. Et donc ces gens ensuite, cette génération ensuite, a commencé à adorer directement ces statues. Donc regardez, qu'est-ce qui s'est produit? Il s'est produit qu'ils ont remplacé l'adoration de leur Seigneur par l'adoration de statues, d'hommes à la base qui étaient considérés vertueux, comme c'est rapporté par de nombreux exégèses et comme c'est expliqué de la sorte. Et donc, regardez, donc ils ont laissé, à l'arrivée de cette génération, ils ont délaissé et laissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de leur créateur unique pour aller adorer et s'adonner à l'adoration de fausses divinités, d'idoles. En l'occurrence, ici, c'était des représentations. Des représentations comme on l'a stipulé. Ainsi, pour résumer, on peut dire que dans un premier temps, ces statues, elles ont été sacralisées. Ensuite, enfin, elles ont été adorées. Donc, dans un premier temps, elles ont été sacralisées et dans un deuxième temps, elles ont été adorées. Et ça, avec la succession des générations. Alors, les premiers hommes à avoir été adorés après Allah subhanahu wa ta'ala, donc certains savants disent que c'est Wad. Et Wad, Suwar, Wayaouk, Wayarouth, Wanasr. Wanasr. Ce sont les premiers. Et donc on a dit, pour cela, à leur époque, on peut constater qu'il y avait des prénoms. Des prénoms comme Abdelwad, le serviteur de Wad. Et ces prénoms-là existaient déjà à l'époque. On voit qu'à cette époque, certains se nommaient Abd Wad. Et donc, ils ont commencé à être adorés. Et donc, comme on a dit, au vu de la situation, de cette situation, alors que les gens de cette génération avaient délaissé l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, après que l'ignorance se soit installée, et après que l'ignorance a émergé en cette génération. Donc regardez, l'ignorance, c'est un mal qui tue, c'est un mal immense. Les gens sombrent dans l'obscurantisme à cause de l'ignorance. Du fait que ces générations-là ensuite étaient ignorantes. Ils ne savaient pas pourquoi ces statues à la base avaient été édifiées. Ils ne savaient pas pourquoi ces hommes avaient été représentés de cette manière. Et donc il avait été aisé et facile pour Shaitan, eh ben, d'utiliser leur ignorance, leur faiblesse, et de leur faire croire qu'en réalité, ces statues-là étaient là pour être adorées. Donc, de ce fait, il a réussi à les faire tomber dans l'adoration d'autres qu'Allah, de ces fausses divinités. Et de ce fait, au vu de la situation, Allah subhanahu wa ta'ala envoya aux hommes le premier messager, Nuh alayhi salam. C'est pour ça, comme on l'avait dit dans la dernière assise, dans l'assise précédente, que c'est pour cela que beaucoup de savants spécialistes dans le domaine nous enseignent que le premier polythéisme qui est apparu et émergé sur Terre, c'est le polythéisme du peuple de Nord. Et ça, c'est l'avis le plus juste considéré chez beaucoup de grands savants et de grands spécialistes. Donc, c'est le premier polythéisme qui est apparu sur terre. Et donc Allah Jalla wa Ala envoya le premier messager. C'est pour cela que hier on avait dit que beaucoup de savants considèrent que le premier messager, donc, c'est Nuh alayhi salam. Vous pouvez retrouver dans certains savants musulmans considèrent qu'il y avait un prophète avant qui s'appelait Idris. Donc avant Nuh, qu'il y avait un prophète qui se nommait Idris. Idris. Mais beaucoup de spécialistes, après avoir fait des recherches en s'appuyant sur les preuves, considèrent que Idris, le prophète Idris, serait venu après Nuh alayhi salam, et donc que le premier messager serait Nuh, et il se base sur des textes et sur des preuves pour affirmer cela. C'est pour ça que l'avis le plus juste, hein, chez de nombreux spécialistes, c'est que Nuh est le premier messager. Et ce qui prouve cela, c'est lorsque, comme on l'avait mentionné dans l'assise précédente, lorsque les hommes seront ressuscités et lorsque ils seront rassemblés en attendant leur jugement, alors cette position-là et ces instants seront tellement, tellement terribles, une très grande épreuve, qui demanderont l'intercession aux prophètes et messagers, comme on l'a dit. Et donc, ils s'en iront à la recherche des prophètes et ils trouveront Nuh, alayhi salam. Et là, ils diront à Nuh, Amatara, est-ce que tu ne vois pas dans quoi nous sommes? Et là, ils demanderont à Nuh d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout que Nuh a des qualités. Et parmi ses qualités, comme on l'a dit, on reverra cela, qui faisait partie des serviteurs qui étaient reconnaissants, des serviteurs qui étaient connus pour leur remerciement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah lui a fait l'éloge dans le Coran. Et de ce fait, ils lui diront alors que tu es le serviteur reconnaissant et tu es le premier messager. Et donc, il est mentionné dans le récit qu'il est le premier messager. Donc, il se base, les savants spécialistes, pour dire que cela prouve d'une manière claire et précise et sans équivoque que Nuh est le premier messager. Et aussi, dans un verset, dans le Coran, Allah Azzawajal, lorsqu'il s'adressa au prophète, sallam, en lui disant, il t'a certes été révélé à toi, et nous avons révélé, donc à toi, et à Nuh avant toi, et au prophète après Nuh. Et au prophète après Nuh. Donc, dans un verset, Allah, Jalla wa Ala, en s'adressant au prophète, il dit qu'il lui a révélé à lui ainsi qu'à Nuh et au prophète après lui, c'est-à-dire au prophète après Nuh. Donc, pour revenir à notre histoire, donc Nuh ensuite fut envoyé à ce peuple. À ce peuple, ensuite, cette génération qui était devenue polythéiste. Et justement, dans un verset, Allah nous évoque l'envoi de Nuh, alayhi salam, et c'est pour ça qu'on trouve dans un verset où Allah, Jalla wa Ala, nous dit « Laqad arsalna Nuhan ila qawmih, faqala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh, inni akhafu alaykum adhaba yawmin azim. » Une traduction native rapprochée du sens de ce verset. Donc Allah nous dit « Et nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit « Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Et donc, regardez. Nuh, ensuite, lorsqu'il vint à ce peuple pour les faire revenir à l'adoration d'Allah, c'est pour ça qu'on a bien expliqué dans ce qui a précédé quelle était cette adoration d'autre qu'Allah qui s'était propagée, qui est apparue sur terre, et vers qui pour comprendre. Pour qu'on puisse comprendre, pardon, vers qui Nuh a été envoyé. Donc, on a compris. On a compris que, donc, ils adoraient ces divinités, ces représentations, ces statues qui étaient Oued, Wassouar, Wayaour, Wayarouth, Wanasr. Et donc, Nuh, lorsque Allah l'envoie, il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah. Adorez Allah. Qu'avez-vous à adorer autre que lui? Mais qu'avez-vous? Pas d'autre divinité, si ce n'est lui. Et il leur dit, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Regardez ce qu'il leur dit, Nuh. Faqala ya qawmi, abudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Qu'avez-vous à adorer autre que lui? Mais revenez à l'adoration de votre Seigneur. Pourquoi j'insiste sur cela? Parce que regardez quelle était la demande de Nuh. Et là, on va bien comprendre ensuite ce qui va suivre. La demande du prophète, du messager Nuh à son peuple, il leur a pas demandé de salaire. Il ne leur a pas demandé des fortunes. Il ne leur a pas demandé de biens. Il ne leur a pas demandé d'argent. Il ne leur a pas demandé de pouvoir. Il ne leur a pas demandé un certain rang dans la société. Il ne leur a pas demandé l'obtention de certains postes dans la société. Il n'a rien demandé de cette vie d'ici-bas. Il n'a rien demandé pour son propre intérêt. Sa seule demande, c'était « Ô mon peuple, qu'avez-vous à adorer autre que votre Seigneur, autre que lui? Revenez à l'adoration de votre Créateur. » C'était ça. Son appel, c'était ça. Il ne leur a pas demandé de ne plus vivre. Il ne leur a pas demandé d'arrêter de vivre. Il ne leur a pas demandé de jeter leur richesse, d'abandonner leur richesse, d'abandonner leurs proches. Il ne leur a pas fait des demandes impossibles. Mais sa demande, pour bien qu'on puisse comprendre, puisque là on va parler ensuite de la réaction de son peuple, qui sera une énorme exhortation pour nous, il leur a juste demandé sans leur demander de salaire, de rétribution, puisque les prophètes et les messagers, leur salaire est auprès de leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ils sont là juste pour transmettre le message de leur Seigneur. Donc, ils ne sont pas là à un but opportun, ce ne sont pas des opportunistes. Ils ne leur demandent rien, si ce n'est revenez à l'adoration de votre Créateur, d'un Seigneur unique. La réaction de son peuple face à son appel, alors, on se rend compte, en lisant les textes de cette histoire, on se rend compte qu'ils ont refusé son appel. Et parmi ceux qui ont refusé son appel, les premiers qui étaient contre Nour et qui réfutaient Nour, ces premiers qui étaient contre l'appel et qui se sont fait antagonistes de Nour, c'était les sages, justement, de la société, les dirigeants, les notables. Donc c'était cette classe-là. En quelque sorte, les sages, les dirigeants, les notables de son peuple, c'est eux qui se sont levés en premier contre Nour, alayhi salam. Et cela, on peut le voir, cette similitude-là, on peut voir, et de la même manière pour tous les prophètes. Ce sont, lorsque vous lisez les histoires des prophètes et des messagers, vous voyez, ce sont les notables de leur peuple qui se dressèrent en premier contre eux. Et ça, c'est important, c'est une similitude avec nous aujourd'hui, et ça va nous encourager, et ça va aussi apaiser le croyant de savoir que si aujourd'hui les pays musulmans et les gens qui croient en Allah et qui sont partisans des prophètes et des messagers, qui croient aux prophètes et aux messagers sans faire la distinction, du premier messager Nour jusqu'au dernier Mohammed sallallahu alayhi wasallam, ce ne sont pas forcément ces pays-là où se trouvent ces gens qui croient en cela, ce ne sont pas forcément les plus grandes puissances mondiales au niveau social et économique. Ce ne sont pas forcément les sociétés les plus riches. Pourquoi? Parce que vous allez voir dans l'histoire de Nour, ensuite ces notables et ces sages et ces dirigeants de ce peuple, ensuite réfutaient Nour et répondaient à Nour et se moquaient et prenaient en dérision Nour. Pourquoi? Parce que c'était les faibles qui le suivaient, les faibles et les pauvres. Comme on va voir, et ça c'est prouvé dans un verset du Coran. Donc eux prenaient en raillerie Nour et se moquaient de lui, et ils le prenaient en dérision du fait que, regarde, ce sont que les faibles et les pauvres qui te suivent. Et c'était en plus une minorité. Donc, regardez, le fait qu'aujourd'hui vous voyez que les musulmans, ce n'est pas forcément les sociétés les plus riches, ce n'est pas forcément les grandes puissances économiques qui ont du poids forcément mondialement, ce n'est pas forcément les pays les plus développés, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le faux, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas dans la vérité. Regardez cette similitude. Et donc, regardez, et pour cela, au peuple de Nour, les gens, eh bien, suivez les notables de la société, suivez les dirigeants de la société, suivez la haute élite. C'est pour cela que, parmi les causes, très peu ont suivi Nour, alayhi salam. Pourquoi? Parce que l'élite de la société s'était opposée à Nour et réfutait Nour et s'était fait adversaire de Nour et refusait son message. Alors que Nour, comme on l'a dit précédemment, c'est pour ça que c'est important de le comprendre, ne leur a pas demandé de salaire, ne leur a pas demandé de quitter leur rang, ne leur a pas demandé de quitter leur fortune. Il leur a juste demandé de revenir à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et eux, en échange, c'est pour ça que maintenant vous allez comprendre le verset si vous revenez dans la sourate Nour. Eux disaient à leur peuple, ne délaissez pas, n'abandonnez pas l'adoration de Wad, de Suwar, de Ya'uq, de Yarouth, wa Nasr. N'abandonnaient pas leur adoration. Donc, ils s'étaient entêtés à refuser le message de Nour, de revenir à l'adoration du Seigneur unique, et s'étaient entêtés dans l'adoration de fausses divinités. Et donc, on voit, à travers l'analyse de cette histoire, que l'élite, eh ben, était contre cet effet adversaire de Nour. Et donc, les gens, en masse, suivaient l'élite. Et c'est pour ça que Nour était pris en dérision. Et il se moquait de Nour. Et il se moquait des faibles, des pauvres qui étaient ses partisans. Qui étaient ses partisans. Alors si aujourd'hui vous voyez que vous êtes pris en dérision, on se moque du voile de nos sœurs. Si vous êtes pris en dérision, on se moque de votre barbe et de votre adoration, de votre prosternation pour un Seigneur unique. On se moque de votre culte, on se moque de votre religion et on la prend en dérision. Sachez que tous les prophètes et les messagers, et dans un premier temps, Nuh, alayhi salam, ont vécu cela. Ont vécu cela. Donc ça, c'est les signes de vérité. Ça veut dire que vous suivez les pas des prophètes et des messagers. Donc les élites, lorsqu'ils s'opposent au message des prophètes et des messagers, les masses les suivent. Les masses les suivent. Et ensuite, cette minorité qui va suivre le prêche de vérité seront pris en dérision, en raillerie, on se moquera d'eux. Alors il y aura forcément une stigmatisation, il y aura forcément du déni, il y aura forcément des moqueries, il y aura forcément des attaques. Et ça, c'était l'affaire des prophètes et des messagers. C'est pour cela qu'il est très pertinent de lire dans leurs histoires et de méditer ces similitudes qu'il y a eu en tout temps. Vous savez, l'histoire se répète tout le temps. L'histoire se répète. Pourquoi? Parce que sur Terre, c'est les mêmes hommes. Nous sommes tous la descendance, la progéniture de Adam, alayhi salam. C'est pour ça qu'on a parlé précédemment de cela, pour bien qu'on puisse comprendre cela. Donc, les temps s'écoulent, le temps passe, mais malgré que les hommes changent, des hommes laissent place, des générations laissent place à de nouvelles générations, mais ça reste des hommes. C'est pour ça que le fonctionnement est similaire, le fonctionnement est le même. L'être humain fonctionne de la même manière, quelles que soient les époques et quelles que soient le temps. C'est pour cela que ces similitudes-là, il faut les méditer. L'histoire se répète, mes frères. L'histoire se répétera aussi. Ce qui s'est passé dans les générations précédentes se produira dans notre génération. Et donc, le fait d'être pris en raillerie, qu'on se moque de nous, qu'on ne verse pas les tapis rouges, le fait que nos sœurs sont prises en dérision, leur voix est prise en dérision, et le fait qu'il y ait une stigmatisation, eh bien ça, c'était, comme on l'a dit précédemment, l'affaire des prophètes et des messagers, et c'est l'épreuve. Et sachez que pour Noé, c'était une immense épreuve. Pourquoi? Parce que Noé n'est pas resté sur Terre quelques années. Il n'est pas resté sur Terre une soixantaine d'années. Il n'est pas resté sur Terre, par exemple, un siècle, 100 ans, ou une génération. Mais lui est resté plutôt des siècles sur Terre. Il est resté des générations. C'est-à-dire que lorsqu'une génération, imaginez-vous, c'est pour ça qu'il faut bien méditer l'histoire, imaginez-vous, lorsqu'une génération s'éteignait, elle laissait place à une nouvelle génération, alors lui, il prêchait à cette nouvelle génération. Et lorsque cette nouvelle génération s'éteignait, elle laissait place à une nouvelle génération, alors lui, il appelait cette autre génération à Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'un Seigneur unique. Et lorsque cette génération s'éteignait, il appelait une nouvelle génération à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça a duré longtemps, ça a duré pendant 950 ans, comme on l'avait rappelé. Pendant 950 ans. Donc imaginez, des générations et des générations. Et Nuh, alayhi salam, n'a jamais délaissé cet appel de nuit, comme de jour, il les appelait, il leur prodiguait le bon conseil. Il leur disait, je suis un bon conseiller pour vous. Il leur demandait de l'écouter. Il ne demandait pas de salaire. Il venait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura rien demandé si ce n'est revenez juste à l'adoration d'un Seigneur unique. C'est juste cela. Revenez au culte d'Allah. Revenez à la piété. Revenez à la raison. Mais qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Et regardez, pendant des générations et des générations, il n'a subi que le déni, le refus, l'adversité, les railleries, les moqueries de son peuple. Et donc, il se moquait de lui et du peu de partisans. Et regardez, à la fin, et c'était une épreuve terrible, regardez, même Allah subhanahu wa ta'ala nous relate dans le Coran l'invocation de Nuh. Puisqu'ensuite, Nuh invoqua son Seigneur. C'était tellement une épreuve, et là, il faut essayer de se l'imaginer, que c'était une très grande épreuve pour Nuh, ce refus de son peuple pendant des générations et des générations, alors qu'il les appelle au bien, et qu'il veut pour eux que le bien, et d'être face à l'adversité de ces gens, jusqu'à ce qu'il implora Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, Allah jalla wa ala, dans le Coran, nous mentionne cela, l'invocation de, de Noé alayhi salam, et que son épreuve était une épreuve terrible, une calamité qui était terrible. Et Allah Jalla wa Ala nous dit dans un verset, dans la sourate Les Rangs, As-Saffat, وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Et Allah Jalla wa Ala nous dit, et certes, Noé nous avait imploré, a imploré notre secours, certes, il ne pouvait en souhaiter de meilleur. Lorsque Nuh alayhi salam a imploré le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala, il revint vers Allah jalla wa ala. Alors Allah jalla wa ala nous dit, il ne pouvait souhaiter de meilleur secours si ce n'était le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah nous dit, wa najaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, d'une terrible calamité, d'une terrible épreuve. Et donc là, on voit bien, on déduit bien qu'à travers ces versets, donc Allah Jalla wa Ala nous enseigne que l'épreuve de Noé était une terrible épreuve. Et Allah Jalla wa Ala l'a sauvé. Qu'est-ce qu'on déduit de cela? Il y a eu la difficulté, il y a eu l'adversité, il y a eu la calamité, il y a eu le malheur, il y a eu l'épreuve, mais ensuite il y a la facilité. Et ensuite, il y a le fait qu'Allah Jalla wa Ala accorde le secours. Il y a le secours et le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la finalité est toujours pour les pieux sincères. Et regardez ensuite Allah Jalla wa Ala, après qu'il nous ait cité qu'il sauva Nuh et les siens de cette terrible et immense épreuve, Allah Jalla wa Ala nous dit ensuite « وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ Inna kadhalika najzi al-muhsinin innahu min ibadina al-mu'minin thumma aghraqna al-akharin. Et ensuite Allah Jalla wa Ala nous dit, et on ne laissa subsister que sa descendance. Après qu'Allah Jalla wa Ala ait sauvé Nuh et les siens, Allah Jalla wa Ala laissa subsister, en quelque sorte subsister, il laissa après lui que sa descendance, et ça on parlera dans une prochaine assise de ça, puisqu'il y a un élément important. C'est que lorsqu'on parlera ensuite qu'il y a eu le déluge, alors il est dit ensuite, comme Allah Jalla nous dit dans le verset, qu'il ne resta sur terre que la descendance de Noé. C'est-à-dire qu'après, les gens qui viendront, les générations prochaines, ne feront partie que de la descendance de Noé, alayhi salam. Et ça, c'est un enseignement important qu'on verra dans la prochaine assise. Donc Allah nous dit, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ. Allah dit, et on a fait que c'est sa descendance qui resta, perdura. C'est-à-dire qu'après le déluge, comme on le verra, Allah Jalla wa Ala a fait que les hommes qui restaient, qui sont restés sur terre, eh ben, faisaient partie de la descendance de Nuh alayhi salam. Et Allah nous dit, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ. Et nous perpétuâmes son souvenir dans la postérité. Regardez, après son épreuve, regardez, Allah Jalla wa Ala dit que, et nous perpétuâmes son souvenir dans la postérité. Son souvenir a été perpétué. Et regardez, Allah Jalla wa Ala ensuite dit, Salamun ala Nuhin fil alamin. Que le salut soit sur Nuh dans tout l'univers. Salut soit sur Nuh dans tout l'univers. C'est ainsi que nous récompensons les hommes de bien. Il était du nombre de nos fidèles serviteurs et nous avons ensuite noyé les autres. Regardez comment Allah Jalla wa Ala fait l'éloge de Nuh alayhi salam. Donc on va se quitter sur ça et on continuera sur l'histoire de Nuh alayhi salam dans une prochaine assise. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in.